Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, le narval. Dans la famille des cétacés, on a parfois l'impression que la nature a été particulièrement créative et facétieuse. On trouve des baleines de toute taille, de 10 à 30 mètres, des créatures à dents ou à fanons, des têtes rondes comme celle des globicéphales ou carrées comme celle du cachalot, voire des têtes souriantes comme celle du dauphin. Mais celui qui semble détenir la palme de l'étrange, c'est le narval, avec sa dent qui semble lui sortir de la tête et qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres alors que l'animal ne dépasse pas les 5 mètres. Et nous, de nous interroger, avec un outil pareil, comment nage-t-on ? Comment s'approche-t-on même de ses congénères, alors que le moindre tête-à-tête semble impossible ? Pendant longtemps, les hommes ont cru que les narvals utilisaient cette dent pour chasser ou pour se défendre, un peu à la manière d'une épée ou des cornes d'un taureau. Ce n'est pourtant pas le cas. Aucun combat n'a jamais été observé, de même que le système de chasse des narvals n'est pas basé sur l'utilisation de cette dent, ne serait-ce que parce qu'elle est trop grande pour pouvoir être maniée avec précision. Cette dent, aussi spectaculaire soit-elle, a pourtant de nombreuses utilités, bien éloignées des vertus miraculeuses qu'on prêtait à la corne de licorne, à qui on l'a longtemps associée. La dent du narval est ultra sensible. Sensible aux différences de température, de pression, à des composants chimiques de l'environnement. Par exemple, des scientifiques ont présenté de l'eau salée et de l'eau douce à la surface de la mer et ils ont noté des changements cardiaques chez les mâles narvals. Car cette dent torsadée, de droite à gauche, la torsade augmentant ainsi la surface de contact avec l'eau, contient des millions de terminaisons nerveuses. C'est un véritable organe de détection sensorielle qui donne aux narvals de nombreuses informations bien utiles sur leur environnement et donc sur leur bien-être. Cette dent permettrait aussi de déceler les micro-composants propres aux espèces animales dont se nourrit le narval, voire même de détecter les hormones des femelles narvales, la dent étant l'apanage des mâles. On notera au passage que cette dent, contrairement aux apparences, n'est pas rigide et qu'elle peut se courber jusqu'à un certain point. Attention cependant, car si jamais la dent vient à se briser, elle ne repoussera pas. Si pendant longtemps on a eu peu d'informations sur les narvals, c'est qu'ils vivent dans des eaux difficiles d'accès, au pôle Nord, loin des regards humains. On a pu cependant les enregistrer et découvrir qu'ils possédaient un beau panel de sons, montrant d'importantes interactions sociales. Les narvals, comme un grand nombre de cétacés, sont bavards et émettent des clics, des vocalises et des sifflements. Ces émissions sonores permettent ainsi aux scientifiques de détecter leur présence dans les différentes zones du pôle Nord tout au long de l'année, y compris en hiver, et de surveiller ainsi une population qui reste difficile à évaluer et qui est fragilisée par les impacts des activités humaines, et en particulier par les modifications impliquées par le réchauffement climatique. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay, avec la complicité d'Olivier Adam de l'Université Pierre et Marie Curie et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.